en belleza en baja. Sí, sí. Et Bikedie, Yapale, bon à poussière, Baba Bipepula, DJ Frank, Bolingina, Tumbelayo, Bolingina, Tumbelayo, Bekaroya, Bolingo, Topena, Sopelayo, Kisanga la caresse, Pope Sanga Temba, Claude Lompoufou. Le moustique se nourrit par le sang, Kasia sa vampire, te, malgré Pembe, Abalou, Banazandou, Mbate. Kito konzambe ape sanga yango na ponze liyo Songa mobimba tina molimo Mokuwa na liaki na pesimbo refule Kolia e po ayokie bimbisi Sola decepsu ya molimo atemba Noel Okito a London Bive onga Gisela Ubindi Susi bangale singa mikondisi Na liste ya bato yo bako kufa mpona lo Liwa matae siesi nyami Vote singa supérieure Willy Mouchenye 00243 Koda Mboka Bolingo esomba kilo pangola motema nangai Willy Mazele Nakate ya tangres Esika bise mwa vandaka Lelo a changé adresse A combien a veni a mi lelo Bruno Makengo Wemba DJ Ken na Luanda Papi Flick Prince Eyar Nika Lokaso Rosignolo Lori Lemae Olingwe sanga loboko Yako simba mbeli Mendenge ninezo kisi Motema mwana moto Tembae Dido Botele le grand frère Ba je t'aime na yo esalaki nzoka ya lokuta Gino Botele Et papi motema na ngai Lokola zabolo sans pitié Smalto senga chef di cartel C'était ton nana pigme na bungi na kati ya forêt Likolo ya kolanda Bolingwe bata mi pene ya koyi miracle nini na sala Na tiki nyoso na maboko ya zambe Abate la mandenge abate la Chesko de lando na pisel Bedi panzu Pati bilele Sokyo lingo yeba, dene nini nalinga kayo Zwambe li fungora motema nanga otala nakati Kasi salangele no kite yo mobu manga Woko regrete nasima, nalinga kiyo mon bebe Temba kaimbe, double toto chibola Miami sona nga yeko kanina oya Mississippi Meka kopo ya nga ina kwa inondende kichasa mobimba papa Kutala kipene na malelo chenga musika na yo Elange komi pembe nizonga shetimba Propriétaire alofa tekilo pangona ye Malile koti na nzoto talanga na zangi Shetema kaye Guillaume Kulonga, Serge Mambo, Olivier Kulonga ye Kuzala kipene na ngalelo chenga musika na yo Elange komi pembe nizonga shetimba Propriétaire alofa tekilo pangona ye Malile koti na nzoto talanga na zangi Adolungo, Chico Kazumbae Jezi, Papeti, Paoteka Laminaire Na mabago na bango ni makaso tantete ya mokomboro Blaise Nzinga C'est à partir de 3h J'ignore Mukasu Oh, Paoteka Paoteka nyanga La kato yo na nyapule La guerre komase Papi mayongo opposition Toko biki sa plaisir te Likamba lofe batoba bo manaka Na oli la perle ra Fichere Mimi Lutama, avion Divine la japonaise Chouchou na tatila Nanyo komi mingi pona mona yo Solution ikeleve Na leli mingi chetemba Pona mona yo Olo balo baba koma benga ngalipoma Boris Matadia Et va tout mon à Belgique, j'y vais. excellent tatou ma tout bois na côté la ngali comme on allait l'écrit tout pas présidentiel c'est l'été si nous allons Tu es rigolo papa Chadia.